chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Un jour, il faudra vraiment que j'ai des explications avec des gens qui travaillent à la SNCF, parce qu'il y a toujours des quiproquos et des problèmes de compréhension quand même. Hein. Ah là là, j'étais censé aller à Dinan. Et à Dinan, il n'y a pas de gare. Il faut finir le trajet pour quelques minutes depuis une gare qui s'appelle Dole, qui est un genre de patelin à côté. Toute là, en tout cas, c'est ce que me disait oui SNCF, quoi, l'application, quand j'ai voulu prendre un billet pour Dinan. Oh, c'est marrant, un petit serpent là. Non, il est tout mignon. Il fait 15 cm de long, je crois. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, depuis Saint-Malo. Donc j'ai pris un ticket. Donc je demande à la fille au guichet, je lui dis, bah voilà, je voudrais aller à Dole. Elle me dit pas de souci, à quelle heure? Je lui dis bah, vers cette heure-là, quoi. Enfin, le prochain, m'en fous. Elle me dit, il n'y a pas de souci, hop, 10h30, vous allez sur le quai, machin, et puis ça sera bon, vous partez là-bas. Et puis c'est pas la destination finale, donc dépêchez-vous avec votre vélo, quoi. Ok, pas de souci. Donc je prends le ticket et puis je m'en vais pour Dole. Et puis alors moi je fais pas gaffe, hein. Elle me donne le ticket pour Dole, je me dis allez c'est parti. Et puis je monte dans le train, je descends à Dole de Bretagne. Et puis là je regarde sur le GPS pour aller dans le centre de Dinan et puis il me dit 1h42. 40 km. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Voilà, donc parce qu'en fait il y a Dole, qui a la gare à Dinan, et il y a Dole de Bretagne qui n'a absolument rien à voir et qui est plus proche du Mont-Saint-Michel dans direction de Rennes, quoi. Enfin, c'est la ligne pour Rennes. Donc super. Donc je ne suis absolument pas passé par Dinan. Parce que bah du coup j'ai la flemme un peu de retourner dans l'autre sens. Parce qu'il y en avait quand même pour 2 heures de route pour y aller. Et que j'étais beaucoup plus près de mon point de chute supposé pour cet après-midi. Donc là, en vrai, je suis à même pas 40 minutes de danger. C'est là où je dois aller. Mais je leur avais dit entre 17 et 18 heures. Voilà, il est 13 heures. Donc c'est un peu compliqué d'arriver 4 heures en avance, quoi. Donc je fais un peu durer le plaisir, quoi. Je me balade dans la forêt. Ici, il y a des étangs, des mares. Là, je suis posé au bord d'un étang, là. Alors, il y a un moulin à côté. J'ai l'impression qu'il fait un peu gîte ou camping. Parce que depuis tout à l'heure, il y a du Kedji Jira qui joue à fond. Ça fait un peu bizarre dans un endroit comme ça. Ah là là. Mais là, il y a un étang rempli de nénuphars. Alors, il n'y a plus les fleurs, hein, parce que bah, forcément, c'est plus la saison. Et puis, on voit que tous les nénuphars ont été un peu picorés. Puis, c'est pour ça qu'il y avait un petit serpent, là. Tout petit, sinon j'aurais hurlé, hein, je vous rassure. Il y a du poisson. Il y a du poisson pas mal d'ailleurs. Hein. Du poisson en masse. Parce que, en fait, c'est marrant, on les voit pas forcément. Mais, comme il n'y a pas beaucoup de fond, on voit les nénuphars bouger. On voit les nénuphars légèrement gigoter. Hop, des tiges se baisser, des trucs s'écarter. Des lignes se dessiner sur l'eau. C'est rigolo. Mais il y a un panneau pêche interdite. Et j'imagine que les pêcheurs du coin, quand ils voient ça, ils doivent s'en mordre les doigts. Bon, c'est pas désagréable. Après, niveau temps, on s'en sort plutôt bien. C'est quand même assez couvert. Enfin, ça reste couvert depuis ce matin. Mais il pleut pas. Et c'est quand même une bonne chose. Donc j'ai pas besoin d'avoir la veste de pluie sur le dos. J'ai juste la veste un peu chaude quand même, parce que je sais pas combien il fait, mais... Oh, on va regarder combien il fait, mais il fait pas très très chaud non plus. Oh, quand même, il fait 22 degrés. Bah merde alors. Bon, c'est pas l'impression que ça donne. Ah, on est à 663 km en tout. C'est pas mal, hein. Ouais, donc là, vraiment, ce matin, je me balade tranquillou, quoi. On est à 15 km de moyenne, et encore. On a fait une petite pointe à 37,3. Et 15 km/h de moyenne, c'est vraiment... En levant le pied, quoi, parce que j'ai le vent dans le dos, alors en plus ça pousse, et en plus, globalement, ça descend. Donc vraiment, on fonce assez rapidement. Enfin, prendre la vitesse assez vite, quoi. C'est marrant de dire on prend de la vitesse rapide assez vite. C'est. Ah, ça va un peu ensemble, quoi. Enfin non d'ailleurs. On prend de la vitesse assez vite. Je sais pas, je trouve cette phrase rigolote. Ah là là. Bon, j'ai hâte de voir les petites chèvres. Hein. C'est quand même fou de se dire que c'est le 11e jour. 11e jour déjà. C'est beau, hein. On a vu pas mal de choses. Il y a un héron là-bas, il est majestueux, en plein milieu de l'étang. Pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de fond. Ah, il a chopé un truc. Ah non, il regardait simplement. 11e jour de voyage. Et du coup, il nous reste encore énormément de route à faire. Mais bon là, ça va quand même relativement vite, quoi. Alors, surtout que j'ai triché deux fois en essayant de gratter des kilomètres. Bon, effectivement, la deuxième fois, j'ai loupé mon coup. Hein. Il faudrait que je retourne voir. Faudrait que je retourne voir la meuf de la SNCF. Bon, j'aurais dû lui dire dis non, j'ai été con. C'est moi qui ai fait le malin aussi. Forcément, dans le coin, ils doivent dire Dole en parlant de Dole de Bretagne. Ils pensent pas à Dole, le petit truc pourri à côté de Dinan. Alors ça avait pas l'air grand, Dinan, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il avance. C'est beau le héron quand même. Hein. On a vu un oiseau tout à l'heure. Un truc, alors je sais pas ce que c'était. Mais il y avait bah, les ailes marron, mais il avait un dos bleu, complètement bleu, mais alors bah, un bleu ciel, quoi, un bleu vraiment limite fluo, un peu avec les reflets du soleil, là, c'était assez impressionnant, il était magnifique, je ne sais pas du tout ce que c'était, mais bon, c'était magnifique. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, hein, les perroquets bleus. Les perroquets bleus sont officiellement déclarés comme espèce disparue. Donc voilà, super. Une de plus, je crois qu'ils ont rajouté six oiseaux en même temps sur la liste. Six oiseaux de ce type-là. C'est chouette, hein? Je travaillais en téléphonie mobile chez Philips. À l'époque où Philips a essayé de se lancer en construction, construction de téléphone, de terminaux. Et à la fin, ouais. Pourtant, je passais mon temps à remplir des tables Excel. J'avais plus de temps. Et je me disais, les gars, vous priez, vous payez, mais juste faites-moi confiance et de temps en temps, vous me contrôlez sur un truc précis et vous allez à fond, quoi. C'est des parasites pour moi, les financiers. Je n'ai pas un centime d'argent. Voilà. Oh non, on va être d'accord. C'est des gens qui. Je pense que la finance est importante. Hein. Il y a des choix financiers dans la vie à faire. Celui-là, je ne suis pas anti-finance. Hein. Je trouve que c'est parti. On est parti sur des trucs de cinglés. J'imagine c'est pareil pour toi. Hein. Quand tu veux faire un investissement, il faut que tu aies un taux de retour sur 4 ans. Enfin. Surtout, moi, c'est une grosse boîte, donc vraiment le risque est minimisé au possible, mais on promet des trucs qui sont déjà infaisables, ouais. De toute façon. Okay. Moi, je me souviens, la dernière boîte pour laquelle j'ai bossé, là, bon, j'étais dans l'industrie. Hein. Moi, le jeu, c'était pas encore. Et puis, je sais pas, ma génération. Tu sais, moi, j'ai vu le téléphone portable arriver, j'étais déjà. J'avais 24 ans. C'est vrai? Travailler en téléphonie. Moi, je faisais partie des premiers à avoir un téléphone. Tu vois, on était en 96. Donc, voilà. Pas ma génération. On va aller chercher des pêches. Il y en aura beaucoup, tu crois? Oui. Prends pour être sûr. Il n'y a pas de pêche, c'est comme. Il n'y a pas de fruits. Non. Ah ouais? Une année de misère cette année. Il n'y a pas certains fruitiers où c'est une année sur l'autre ou... Bah, des fois c'est ça, mais cette année il n'y a vraiment pas grand chose. On a eu un petit peu de prunes, mais pas plus que ça. Pas de quoi faire de la compote. Un tout petit peu de pêche, mais il ne va pas y avoir de pommes. On va retrouver. Par contre cette année on a des coins. Mais les coins, on en a tous les ans maintenant. Ouais. Bon, je fais de la confiture, mais c'est plus tard. Hein. Mais quoi, c'est... Ça a besoin de chaleur, non? Je sais pas. C'est quoi les... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il se plaît bien chez nous. Voilà. Donc le lieu d'enquête, tu vois, nous, moi j'ai quitté le business il y a 10 ans. Depuis 10 ans, ouais. Je suis arrivé un soir et j'ai à Catherine, j'ai quitté le business. Et dans la ça devait un petit peu de temps, de toute façon, que j'ai réfléchissé à la construire une maison. J'avais fait plein de chantiers. Tu vois ce que c'est, les chantiers participatifs? Ouais, ouais, ouais. J'ai fait plein de chantiers. Et puis il y a un DG à qui je m'entendais bien, qui s'est fait jeter comme un malpropre. Je lui ai dit, allez, ça suffit maintenant. Donc dans la foulée, on a acheté le terrain. Et puis, on a fait la maison. J'ai fait la maison en 17 mois. Tu as commencé à vivre dedans avant qu'elle soit finie? Non. Bon, pour le coup, moi, j'ai arrêté de travailler pour faire la maison. On était dans une loc. Bon, il y avait deux enfants qui étaient là aussi à la maison. Et on est rentré dans la maison, ouais, 17 mois après la construction, le démarrage. Et je me suis arrêté 4 ans en fait. Bon, j'ai toujours dit que je savais qu'on n'aurait pas de retraite. Donc j'ai fait 17 mois, le temps de terminer le bardage, ça devait être autour de 20 mois. Après, il y avait des tas de bois, des tas de tout, plein de trucs à ranger. Et puis j'ai construit, tu vas voir, une chèvrerie, des hangars, un atelier. J'ai nettoyé le jardin qui était dégueulasse avec plein de mauvaises herbes. J'ai tout relevé. Parfois, c'était chantier d'archéologue pour tout nettoyer. Et puis au bout de 3 ans, je me demandais bien ce que j'allais faire. Donc tu vois, on est autonome en légumes, globalement. À l'époque, on faisait déjà du fromage. Elle est par là, Damien? Non, elle est pas. Donc tu vois, il y a un verger, il y a des chèvres. Damien! Et du coup, là, tu me disais que vous professionnalisez... Et donc Catherine s'installe là, elle en chèvre. D'accord. Tu veux aller voir? Ouais, bah j'ai vu déjà en passant... C'est comme ça que je me suis dit, c'est sûr que c'est le bon endroit. Ouais. Et puis on va aller voir. On va partir à vélo. On a essayé une première fois il y a 2 ans. On est allé ici à Lorient au Festival Interceltique en vélo. On a un copain qui nous a invité. Ça fait 350 bornes par les... Ah ouais, par les petits chemins. D'ici à Lorient, il y a déjà cette distance-là? Ah ben non, à vélo, il y a moins de 200. Mais nous, on est passé par Vaudon, enfin bref, on est passé par des camions. Ah oui, d'accord, oui, bah, déjà, vous êtes bien descendu. On était en vacances. Et on a fait 800 bornes le long de la Loire, et puis après encore, pour aller jusqu'à Paray-le-Monial. Je ne sais pas où c'est. Pas du tout. C'est en Saône-et-Loire, je crois, à côté de là. Ok, ah oui, donc, ok, là. Ça fait de la route. Donc là, la première année, on a fait ça. On a trouvé ça super, donc l'année d'après on est parti par le Paray-le-Monial. Pendant qu'on est arrivé, on allait jusqu'à Budapest. Moi j'étais parti. Hein. Continuer encore longtemps. Ah ouais. Les chefs sont grands. Oula, il y a du monde. Ah oui, on vient d'acheter des fromages. Bonjour. Bonjour. On arrive en porte, on n'avait pas le droit de partir. Vous avez bien fait. Salut Pépé. Voilà. Lamia, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il dit bonjour. Tapis. Non mais c'est pas elle qui décide. Allez. Là, apportez... J'ai dit quoi? Vous apportez ça de notre... Tapis. 30 secondes parce que c'est une grosse négociatrice. Eh et... oui. Une éducation à faire. Hein. Ah, et puis là, c'est jusqu'à la fin. Une négociatrice. Ah, c'est cool. Merci. Bien, Catherine. Production. Ah, extra. Bonjour. C'est du chasse-plat. Bonjour. Bah, il ressemble à du chasse-plat. Je sais pas ce que c'est. Pour nous, c'est du champ pétrole. Ça bouge chez nous, c'est du champ pétrole. Du champ pétrole. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà. Il est mûr en ce moment. Quoi. Ouais, c'est super bon. Ouais. Bon. Cousin de Germain. Tiens, beau clairon d'Aleron. Il a quel âge ton père? Ah oui, oui, je le vois, il en veut. L'âge de la maison, 8 ans. 7-8 ans. Dans 8 ans, il fera comme ça le nôtre. Est-ce que vous en avez frotté les feuilles? Non. Oui, frotté les feuilles, ça sent ça sent quoi? La galette. Non. Pas tout à fait. Je y retourne. Je vais me raviser la mémoire. Ah, je veux sentir moi alors du coup. Je sais pas ce que c'est. Du nous. Comme les boules dans les jardins, par les Allemands. Comme là, on a un petit malousse, là, le petit pommier sauvage. Ah, ben voilà, on en a un qu'on a enlevé. Donc le pommier d'ornement, c'est ça. Ouais. Les points, ils vont tomber, et puis, les fruits vont rester. Nous, on a deux. Hein. Je crois, oui. Il y en a un très grand de l'autre côté de l'étang, oui, et un petit qu'on vient d'enlever. Le petit, on l'appelle le petit, d'ailleurs. Et le sucre va fermenter légèrement, et les oiseaux viennent manger l'alcool. Donc il y a plein d'oiseaux là-dedans. Ça s'appelle ça comment? Celui-là, c'est un pommier sauvage et ça, c'est un chérodendron. Ok. Un malus. Un malus. Malus. Malus, oui, ouais, malus. Le latin. Le pyrus, le malus. Et ça, c'est un pyrus et ça, c'est un malus. Ah, voilà. J'ai vu ton artichaut, toi, il tient. T'as mis beaucoup de... Donc, c'est 7 jours pour le lait et 28 jours pour la viande. C'est-à-dire, si on devait la vendre pour la viande, on ne pourrait pas la vendre avant 28 jours. D'accord. Le temps que... elle se débarrasse des résidus. Ça, c'est en conventionnel. Et en bio, on double le délai d'attente. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas 7 jours, c'est 14. Et du coup, quand tu dis en bio, c'est que vous êtes... Déjà, ouais. Non, mais du coup, c'est labellisé. Ouais, on est certifié bio depuis 10 jours. Ok. Par AB. Ouais, par... donc, c'est le Bureau Veritas. Hein, donc, on a le... Quand on aura les fromages, là, on aura le petit logo AB. Et sauf le jardin. Le jardin, on n'a pas décidé de le certifier parce qu'en fait, le jardin, il n'est pas... Et puis, il est pour vous. Donc, il est pour nous, voilà. Pour l'instant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais, oui, mais en même temps, c'est tellement compliqué. Il faut tout justifier. Ici, à côté, donc on l'a récupéré, le terrain, on l'a récupéré le 7 juillet. Mais on a demandé une attestation du propriétaire, de l'ancien propriétaire, qui a certifié qu'il n'avait jamais mis d'engrais, machin, de traitement. Depuis au moins 3 ans. Mmh. Et puis elle est allée voir et vu. Ah, il y a quelqu'un qui vient vraiment. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui est venu, elle a passé l'après-midi. Hein. Je me suis toujours posé la question de ces certifications au final, si personne vient voir, c'est un peu. Ah ben, il y a eu un contrôle comme ça sur site tous les ans. D'accord. Et un contrôle inopiné tous les 2 ans. D'accord. Donc, nous, le contrôle inopiné, là, on a eu le premier contrôle sur site. Donc elle a épluché toutes les factures, elle a regardé tous les produits qui traînaient et il fallait qu'ils soient marqués bio. Il a fallu que je donne donc les chèvres et le bouc et le machin. Non, pas les boucs, mais les chèvres, elles ont été achetées dans des élevages bio, il a fallu que je donne les certificats, l'alimentation, enfin il y a. Voilà, c'est quand même un gros cahier des charges. Ah ouais, ouais. Y avait une taille minimum, une surface minimum par chèvre. Par chèvre. Bon, on lui a donné le plan et puis avec les tailles, puis elle est allée voir. Hein. Moi je pensais que y avait le dossier à envoyer, mais qu'il n'y aurait pas forcément. Qu'il pourrait y avoir des visites surprises, ouais, ouais. Mais qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un qui venait. Ah non, il y a. Et ça, c'est tous les contrôleurs comme ça. En bio, il y a toujours une visite sur site, une fois par an. Donc qui est prévu. En même temps, tant mieux. Oui, oui, enfin, bon, c'est... Oui, oui. Justement, c'est toute la réflexion que moi j'ai en ce moment. Ouais. De me dire, c'est. J'ai vraiment envie et j'ai besoin d'avoir ça dans ma vie. Mais je ne suis pas capable de l'avoir pour l'instant. Mais comment je trouve cet équilibre-là? Et est-ce que je suis capable de le faire tout seul ou pas? Et tu vois, je pose pas mal de questions à ce niveau-là maintenant. Est-ce que tu sais par quoi ça commence quand tu fais le tour du monde à vélo? Non. Par un premier tour de roue. C'est-à-dire? Mais en mouvement, c'est incroyable, tout s'ouvre. Tu trouves les gens... Tu vois, c'est impressionnant. Alors, ça ne prendra pas exactement forcément la forme que tu avais prévue. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est impressionnant de voir que... Putain, ça bouge, quoi. Donc, il faut mettre de l'eau pour le... Donc là, on va d'abord travailler sur le tunnel. Et pour avoir de l'eau là-haut, il faut allumer l'eau ici. Bon, si on a oublié, c'est pas grave, on redescend et on rouvre. D'accord ? Ouais. Donc là, on ouvre. Donc ça, c'est ce que vous récupérez de pluie ? Non, non, ça, c'est l'eau de, du... Okay. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on récupère de pluie. Allez ! Allez, allez, allez, vas-y ! Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, all les grandes là qui sont passées, il y en a deux, la 27 et puis la toute noire. Ouais. Voilà, on les mettra après. Ok. Là, on va déjà fermer bien ça. Ça, c'est toujours du système D. Hein. Ah, puis c'est chiant. Parce que forcément. Hein. Non, mais là, c'est en plus parce qu'on n'a pas le bâtiment. Quand on aura le bâtiment, ce sera bien. Voilà. Bon, ici, en fait, on peut regarder quand tu es éleveur. Tu regardes, en fait, s'il n'y a pas de diarrhée, si tout le monde mange bien. Voilà. Et c'est là, ça l'indicateur qu'on va regarder si il y en a une qui a mis du temps à manger, etc. Mais surtout les diarrhées. Voilà. Là, elles ont à boire, donc c'est bon, on ne va pas leur en redonner. On leur en redonnera que demain matin. Ok. Voilà. Et puis elles, on va leur enlever les goulottes, les gouttières, qu'elles ont fini. Ouais. On les range donc là-bas et puis on va mettre du foin. Du foin, tu renchaînes avec du foin. Ouais. Elle, c'est une foin gentille, elle empêche tout le monde de manger. Ok. Donc, il faut qu'on la mette. Mais toi, tu ne seras pas obligé de faire ça mardi. Hein. Pas ça. Donc, il faut fermer la peau. Parce que sinon, elle est capable de l'ouvrir. Et il faut lui demander d'aller là, là. Et c'est assez facile, mais bon... Et après, tu... On a l'impression qu'elle est au courant. Ouais, oui, oui. Donc, l'eau est coupée, l'électricité est mise. Alors, l'eau n'est pas coupée sur les autres, d'ailleurs. Oui, en rentrant, il faudra qu'on le fasse. Donc, ici, c'est tout bon. On ramasse les œufs et on peut remonter. Ok. C'est bon ? Ouais, je suppose que tu as une petite boîte de prête. Oh, on a des mains. Il y a deux endroits où il peut y avoir des œufs. Bon, c'est toujours dégueulasse un poulailler. C'est impressionnant. Ouais, t'inquiète pas. Mon grand-père, il avait des pigeons. Alors, tu sais, c'était pas... Ouais. C'était pas glorieux, les pigeons. Alors là, il y en a une qui est là. Moi, j'y vais pas parce qu'à chaque fois, elle me pique. Où ça? Au fond? Ouais. Ah bah, t'y vas, du coup. Ouais, j'y vais. Parce que je suis courageuse. Oh bah oui, j'ai bien fait. Il y en a trois. Elle couvre du coup. Tac, tac. Ça ouais, va? C'est tout chaud. J'ai horreur de l'emprunt. En fait, dès que j'ai eu acheté, dès que j'ai eu assez... Comme mon père. Est-ce que j'ai... Après mon école d'ingé, j'ai fait un peu de finance. Oui, donc tu as très bien compris comment ça fonctionnait. J'ai une représentation. Voilà. Mais malgré tout, je me rends compte qu'aujourd'hui, je réagis comme mon grand-père. C'est-à-dire que j'ai de l'argent de côté, j'ai des bagnoles pourries, ce que tu veux, mais j'ai un peu d'argent de côté. Et quand je veux un truc, bah, c'est un investissement. Je ne calcule pas le retour sur investissement, alors que je suis formé hein, pour faire des ROI, des machins. Mais je ne calcule pas le retour. Et ça, ça va générer du cash. Tu vois. C'est rigolo, hein. Je ne crois pas... Mais moi, je réfléchis souvent comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément frustré aussi dans le taf à Annecy, tu vois. Ouais. Parce que tu sais que tu proposes des choses et tu as besoin de choses qui vont de toute façon être utiles. Ouais. Même si tu n'arrives pas à le quantifier. Ouais. Mais comme tu n'arrives pas à le quantifier, on te le refuse. Ouais. Et ça, c'est terrible. Tu vois, surtout que je t'ai expliqué, j'ai un poste où je suis censé aider les gens, bah ouais, faciliter le travail des autres. Et là, on te dit, bah non, parce que ça va pas nous faire gagner assez de temps. Et moi, ça me rend fou. Et tu vois, moi, je comprends ça d'autant plus que... c'est-à-dire que l'investissement, il est par définition complètement aléatoire. Et plus il est fou, plus le retour potentiellement il est bon. Et en l'occurrence, pour moi, et c'est vraiment une des raisons fortes pour lesquelles je suis parti, si l'investissement a besoin de voir quantifier ses bénéfices pour être accepté, eh bien, les vrais investissements de rupture sont morts. Donc on est dans quelque chose qui ronronne. Donc on va répliquer le connu. Or le monde intéressant pour moi, quand je suis câblé comme ça, ce qui m'intéresse c'est le monde. Et l'artiste, il a pour moi cette qualité extraordinaire d'être capable de penser différemment. Et c'est sa pensée différente qui fait le demain. C'est pour ça que dans notre société qui ne va pas bien, la place de l'artiste, s'il y a un investissement qu'on ne doit jamais lâcher, on ne le fera pas, hein. On ne doit jamais lâcher, c'est l'artiste. Société évoluée, est une société qui s'occupe de ses vieux, de sa santé, de ses artistes, de son école. Je me souviens, moi, ça m'a toujours marqué, ça, et j'ai construit ma carrière sur ça. Il y a deux manières de franchement réussir. C'est d'être le meilleur dans la norme, ou d'être en avance. Le meilleur dans la norme, tu fais... Je peux te la garder, cette phrase? Je te la prends, et je la réutilise. Donc, soit tu es polytechnicien, tu fais X mille, machin, toc, tu parles 50 langues... T'es super beau avec ton t-shirt, machin, bon. Ou alors t'es différent. Et le différent, il va se planter une fois, il va se planter deux fois, il va se planter trois fois, mais tac. Et on a besoin de différence. Ça, c'est le truc le plus difficile à faire accepter, je pense. Et curieusement, nos élites disent, moi je suis ouvert. Et pour moi, je suis quoi ? Moi je suis ouvert. France Culture, le matin, quand je fais mon fromage, tac tac, c'est France Culture, virgule, l'esprit d'ouverture. Ben, les gars. Et qui toi pour t'auto-proclamer ouvert ? Enfin, il y a un truc de... Et moi je trouve qu'on a des élites aujourd'hui qui sont au contraire extrêmement frileuses. On a des élites qui sont très loin de la norme. Le différent, on l'appelle complotiste. D'ouverture à la différence aujourd'hui. Et même si le complotiste dit une connerie, on s'en fout. La pensée, c'est une itération. La première étape de la pensée, c'est une pensée brute, par définition améliorable. C'est Cocteau qui disait ça. L'intelligence sert à conforter, confirmer l'intuition. Et l'intuition, elle est nécessairement un peu décalée. En fait. Tu vois, j'aurais 25 balais, tu vois, j'aurais ton âge aujourd'hui, je construirais la petite maison là. 20 mètres carrés, hyper bien conçu, à peine 10 000 euros. Si après, que je me mets en couple machin, ou je veux des gosses, enfin bref, quel que soit ce que tu veux, c'est 3 mois de boulot. Bah, t'as une porte, tu ouvres ta porte, tu fais la même chose de l'autre côté. Et surtout pour des gens comme toi qui vivent avec Internet, tu te mets dans un endroit où il y a la fibre, mais là tu vois la fibre en train de se développer sur le territoire ici. Donc tu as la fibre qui tombe, tu as une maison qui est payée, 10 000 euros, tu as bien trouvé une vieille tente, tu as bien 1 000 euros.